place à l'envers, c'est Hailey. Enchanté, je suis ravi qui sert. Je suis un flic comme Ryan O'Reilly. J'ai un Zizidane, flow assassinat. Pas prêt de prendre ma retraite comme Zinedine Zidane. Ma cote grimpe comme les tarots cheat. Je la sous la carotide. Si t'as le compte à Rothschild, pas compte à rendre, c'est du ponceau qu'on t'arrange. On compte l'argent avec les putes, y'a aucun compte à rendre. Sous que fuck les sous que qui sert et spike sous whisky. Ça coupe de source juste dans ma vessie. Ça sent les sondards, coup de joint dans le sandard. Pète la centrale, tu rentres à jeun et t'en ressort d'ail. D'un coup tout va bien, dès que je dis un coup, je garde la pêche. C'est cool, tends-moi la perche, traîne dans les égouts. 80 en full boxon sous le réseau comme la live. C'est du bon concert, même en concert, le pitch, le box en live. Je le box en live. Rien ne sert de s'impatienter, ou tu finiras triste comme une salope qui sent plus rien quand elle se fait sauter. Tu mens quand tu dis que les contraires s'attirent. Y'a trop de merde dans le hip hop, donc mes oreilles saturent. Cela va sans dire, de nos jours, les temps sont durs. De plus, l'amitié se recolle pas comme de la soudure. Trop de temps que ça dure, quand t'es super, je me parle pas, si t'as que ça à dire. Avoir des amis, ça se fait rare. Et si t'es un trait de gros, bah ça se verra. Comme tout le monde, les scélérats veulent une carrière à la Viera. On va pas te sucer, si tu fais croquer, c'est cool, t'as vu. Votre attention, je vais te captiver. Je vais flipper ce pays comme un Kabyle cultivé. Dans le périmètre, trop de travelons, j'avoue. J'écris mes textes pendant que les mythos transforment leur scène en javelot. On a perdu trop d'années à rien foutre. À part la bicrave de Redba et puis quelques parties de foot. J'emmerde les keufs et leur putain de procédé. La France, c'est juste casser le dos pour un CDI. Donc, les scélérats sont pas prêts de céder. Non, on n'est pas prêts de céder. Amateur de tease, oh. Je suis foncé au vodka tropical. Une instru et je tripe au calme. Ma vie est loin d'être impeccable. Ma troupe égale, ici personne essaye de m'attraper égal. Les lois me courent après comme un renois face au triple K. Mon kiff c'est le rap, comme l'équipe c'est les rats. Je viens casser les reins aux auditeurs, vu que mon texte il est hard, oh. Le jour le rap me saoulera, je me jetterai sous les rails. Alors à l'accéléron, t'es pas content, on te saluera, oh. Moi je me sens perdu entre les tox et les rats. On vient d'un monde où c'était pas serein. Un spion te salira, oh. Laissez-moi tranquille entouré de mes potes. Toi t'as mon son dans ton iPod. J'ai pas d'intérêt dans les poches. Cousin. Y'a peu de coups d'éclat, métro, de coups de schlasse. Trop de cons qui néglige l'art vu qu'il y a beaucoup de schlag. Putain moi je noie mes soucis dans un pack de 16. Ici c'est dur et tu le sais, on est là, c'est l'époque des cèdes.